le titre global de la séance était « Commun, salaire à vie, anticapitalisme, les sciences sociales, témoins et ressources de la démocratie directe en train de se faire, question ». Et nous recevons donc Pierre Dardot, qui est philosophe, qui est de Paris-Ouest Nanterre, du laboratoire Sophia Paul, sociologie, philosophie et socio-anthropologie politique. Christian Laval, sociologue, viendra un peu plus tard. Mathieu Grégoire, sociologue, Paris-Ouest Nanterre, IDES. Alors, IDES, laboratoire, institution et dynamique historique de l'économie et de la société. Et puis, enfin, Bernard Friot, qui est sociologue et économiste, pareillement, Paris-Ouest Nanterre. C'est une domination de Paris-Ouest Nanterre et de l'IDES. Hein, voilà. Bon, Christian Laval de Paris-Ouest Nanterre. Oui, oui, c'est ça. Oui, j'ai signalé l'absent. Et nous devions avoir aussi un journaliste qui est membre du collectif Journaliste Debout. Mais le métro, peut-être, il a fait un faux bond où il arrivera plus tard. Je ne sais pas. Voilà. Alors moi, j'ai une petite présentation qui risque d'être un peu longue quand même, tout en étant petite. Parce qu'en fait, je souhaitais rendre compte de la raison pour laquelle nous avons organisé cette séance spéciale du séminaire, qui est lui-même terminé, le séminaire politique des sciences, dont vous pouvez, en cours pub, trouver normalement pratiquement tous les enregistrements sur pds.hypothèse, au pluriel, sans accent.org. Voilà, et vous trouverez d'ailleurs l'enregistrement audio de cette séance voilà, sur ce site. Donc je vais être un peu abstrait, un peu aride au début, mais j'espère qu'ensuite ça ira mieux. De toute façon, les intervenants que nous avons sont exceptionnellement clairs et ils font passer des idées compliquées d'une manière tellement simple que voilà. Et donc le titre de mon intervention, si on peut dire, ma présentation, « Des actions et des mots, la recherche en sciences sociales au service du mouvement démocratique ». Et là, je commence. Dans les pratiques langagières courantes, les termes employés et partagés par les membres d'une communauté de langage et de pratique pour se rapporter aux faits du monde connu en commun, aux actions sociales, aux structures sociales, à leurs acteurs, sont d'emblée référés à un environnement de choses, événements, actions, situations, normes et règles articulées entre elles qui sont censées exister indépendamment du fait que nous les évoquions ou pas et donner forme observable au monde tel qu'il est. Quoi que nous fassions, nous nous trouvons d'emblée tout au long de notre existence au milieu d'elle. Tout advenant, toute socialement construite, sans même y prendre garde, et toute objectivée dans un savoir habituel du monde. Les échanges langagiers tiennent en quelque sorte la chronique de ce qui est le cas, c'est-à-dire de ce qu'il advient dans le monde dans lequel nous vivons, et évoquent, décrivent, projettent, évaluent la manière qu'on communément intelligible dont les uns et les autres s'y rapportent et y font face. Dans ce cadre, l'économie, le politique, le social, etc., désignent des domaines de l'activité sociale et en même temps, dans chaque occasion particulière où ces thèmes se trouvent être déclinés, le font à travers une manière relativement stable, dans un temps et un espace donné, de délimiter le cadre dans lequel aborder les sujets contingents qui s'y rapportent et se détachent sur leur arrière-plan. Le fait que telle ou telle chose qui arrive dans le monde relève de l'économie, de la politique, du social, etc., ne prête généralement pas à discussion. C'est ainsi que sur cet arrière-fond, dont la maîtrise pratique relève de la culture commune, les membres de la société sont en mesure de distinguer dans les manières dont il est rendu compte des événements, des actions, des développements dans ces secteurs, entre celles qui sont communément admises et celles qui dérogent à la manière habituelle de les appréhender. Les premières font écho directement à une expérience partagée de ces sujets, qui n'est pas forcément une expérience directe de ceux-ci, mais le fruit de l'accoutumance à une manière dominante d'en parler, de présenter des sujets qui s'y rapportent, d'envisager les problèmes qui se posent dans ces domaines et la façon dont il convient de les traiter. Tout cela constitue un équipement descriptif, inférentiel et évaluatif de base, à partir duquel mener des enquêtes, tirer des enseignements sur l'état du monde, sur la faisabilité ou la nécessité des actions envisagées, etc. Toutes ces activités, aux présupposés et aux modes opératoires conformes, dessinent ce que l'on appelle, dans le domaine des évidences partagées, la doxa, dans celui du gouvernement de la cité, la politique administrée. Le tout assure la prise en compte de ce qui advient sur un mode stable pris pour allant de soi. À quelle instance incombe la responsabilité de la définition d'une situation problématique et de son traitement étant le plus souvent le fruit d'une attribution spontanée. Un incendie est l'affaire des pompiers, la constatation d'une infraction au code de la route, celle de la police, la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'affaire du ministère en charge de ce domaine d'activité, et ainsi de suite. Un ordre social transcendant s'incarne dans un ordre des choses particulier qui a évacué son histoire propre, sa contingence donc, au profit des attentes et des procédures socialement organisées et héritées relatives à sa reproduction quotidienne. Mais les approches dominantes dans la façon de poser les limites du pensable et donc du faisable, par exemple en matière d'économie, de démocratie, ne sont pas forcément l'objet d'un si large consensus au point qu'il exclurait tout désaccord et tout projet d'alternative. Précisément, dans la mesure même où elles sont perçues comme dominantes, ces visions des choses et du monde sont récurrentes dans leur forme, reproductibles dans leur contenu, familières dans leurs effets, et par conséquent offrent donc une certaine stabilité dans leur dispositif de mise en ordre de la réalité sociale qui les rend propices à un examen critique de leurs interstices et à l'invention de modes alternatifs de se référer aux mêmes choses et mêmes thématiques que celles qu'elles abordent, au point de les nommer autrement ou d'en faire surgir d'autres. Ceci dans un mouvement visant à remplacer celle qui relève de la logique du système de pensée et d'action institué et qui s'avère dès lors inappropriée à la saisie de ce que les approches alternatives visent à rendre publiquement communicable et partageable. Ce qui concerne des réalités essentielles mais négligées par le discours public ou bien des réalisations envisageables dans le monde social à condition de changer au préalable ce qui doit l'être, selon la formule mutatis mutandis. Ces éléments occultés n'apparaissent bien entendu qu'une fois la situation considérée sous d'autres auspices que ceux mis en avant par les perspectives convenues. Du même coup, des aspects non perçus parce que non thématiques d'un certain ordre des choses objectivées, naturalisées dans les pratiques sociales ordinaires et la manière d'en rendre compte, ont pu ainsi trouver un point d'ancrage et la nécessité d'un éclairage et en même temps révéler des possibles qu'attendait l'action susceptible de les faire passer du monde des idées à celui des pratiques sociales. Comment problématiser ce qui ne l'est pas spontanément au sein d'un ordre social établi, nommer ce qui ne l'est pas ou l'est improprement au regard du projet que l'on vise, détecter où est produire de nouvelles manières d'être et de faire à l'aide de termes qui soient susceptibles de rendre descriptibles et partageables des actions sociales originales, d'utiliser ces termes ad hoc comme instruction employable par tous pour découvrir et générer par là même leur potentiel de sens dans chaque cas singulier et de proche en proche fondé un imaginaire politique nouveau sont les principales questions que nous explorerons ce soir avec nos invités. Nous aborderons ainsi avec Pierre Dardot et Christian Laval la question du commun, entendu comme principe politique, où il s'agit d'organiser un collectif humain de manière autonome, c'est-à-dire en se dotant de ses propres règles et en assurant le respect de leur application par les participants, autour d'un enjeu, d'un bien, d'une pratique, d'un site, etc., dont il s'agit de prendre soin dans la durée et de le faire en relation avec un projet de réappropriation citoyenne du politique et selon des valeurs de coopération, de partage et de solidarité. Le commun, pratique ancienne remise au goût du jour pour rendre compte des nouvelles enclosures générées par les pratiques de privatisation du monde issues de la propriété lucrative et la réception de celles-ci par ceux que leurs effets prédateurs affectent, vise à l'établissement de relations sociales et d'une relation différente à la propriété qui permettent précisément de s'exonérer des dommages causés par ce mode d'organisation des sociétés contemporaines placées sous la tutelle du capitalisme. Le commun se présente comme une forme de rapport au monde fondé sur le droit d'usage et la propriété sociale, où l'exercice d'une action et d'une responsabilité, droits et obligations sur un bien, un site ou un projet précis, est accompli sous un certain mode de participation défini en commun et donc d'obligation mutuelle entre les participants dont aucun n'est titulaire d'un droit de propriété privée sur l'ensemble. Cette perspective est à l'œuvre, par exemple, dans la décision prise par un certain nombre de personnes au fil des ans de venir occuper le territoire de Notre-Dame-des-Landes, promis par la puissance publique à un promoteur privé chargé de la construction d'un aéroport sur cette zone agricole et forestière de la région nantaise. La transformation d'une zone d'aménagement à aménagement différé, catégorie de droit administratif, en zone à défendre, catégorie d'action politique citoyenne, pour décrire ce territoire sous un vocable nouveau, approprié à son usage émergent, qui livre dans son intitulé, illustre ce changement de perspective entre la politique administrée et la mise en place d'un commun sans droit ni titre dans le système dominant du droit de propriété, dont cette initiative conteste justement l'hégémonie et en interroge la légitimité. Ceci est le cas dans la mesure où elle permet à la puissance publique d'aliéner une partie du domaine public pour y réaliser un projet d'infrastructure qui est par ailleurs l'objet d'une contestation populaire quant au caractère d'intérêt général que revendiquent les promoteurs de cette opération. Du coup, sous cette perspective générée par la renaissance de la mobilisation sous une forme nouvelle, c'est l'appropriation par la puissance publique et le concessionnaire privé d'une portion du domaine public librement ouvert jusque-là à l'usage collectif qui est à l'origine du conflit. Mais bien entendu, au-delà de ce cas emblématique, le commun est susceptible de revêtir des formes d'organisation et de fonctionnement extrêmement diverses selon les circonstances et les lieux où il prend forme. Simplement, celui-ci est reconnaissable par des orientations communes qui concernent la manière d'organiser la société dans son ensemble. Si le commun est un principe politique ouvrant la voie à une forme d'émancipation par rapport aux règles qui régissent les rapports entre les citoyens et les gouvernants en régime de démocratie représentative, au profit de systèmes reposant sur la démocratie directe, mais également entre les membres de la société au travail par la disparition de la relation de subordination au profit de la participation horizontale et de la coactivité, une autre perspective relative à une conception originale du travail peut utilement la compléter. Il s'agit de la notion de salaire continué, versé toute sa vie durant, à chaque personne, à partir de sa majorité, dans une perspective qui attache le salaire à la personne et non à l'emploi, c'est-à-dire au poste que l'on occupe. Cette approche a été développée par Bernard Friot, que nous recevons ce soir. C'est en quelque sorte un antidote à la précarité, à l'asymétrie entre employeurs et employés, plus largement entre détenteurs de la propriété lucrative et tous les autres, hein, qui n'ont que le revenu tiré de leur travail pour vivre. Le salaire universel étant une manière de parer à cette relation de dépendance et pourquoi pas un moyen de libérer des forces créatives pour édifier les communs qu'appellerait une société engagée dans une expérience d'elle-même sous le régime de la démocratie directe, c'est-à-dire au fond la démocratie tout court, démos kratos, le pouvoir du peuple. Et puis précisément, si ces deux principes, communs et salaire à vie, pointent vers un monde possible, dont quelques îlots se manifestent ici et là, de nos jours, qui s'organisent en dehors des règles du capitalisme, des formes de travail et de salariat qu'ils déterminent. Il en va ainsi du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle, adapté à un mode de travail qui alterne des périodes d'activité rémunérées avec des périodes d'inactivité ou de travail non rémunéré et qui assure à leurs bénéficiaires des moyens de vivre entre deux contrats. C'est dans le monde encore présent dans lequel nous vivons plus ou moins bien, un laboratoire de ce salaire à vie, de ce travail émancipé qui pourrait être élargi à bien d'autres secteurs. Un point sur lequel Mathieu Grégoire va nous éclairer, à la fois sur ses spécificités et son potentiel d'extension. Nous conclurons alors ce tour de table avec une brève intervention de représentants du collectif des journalistes debout, qui nous présenteront succinctement la démarche qu'ils ont pris l'initiative d'entreprendre, laquelle présente deux volets. Il s'agit de faire un bilan de la situation et de la précarité et de l'hétéronomie dans le milieu journalistique et de poser les jalons d'une réflexion quant aux conditions à réunir dans un secteur très concentré entre les mains de quelques milliardaires pour restaurer une indépendance rédactionnelle à l'égard des moyens de pression qui s'exercent de toutes parts pour brider l'information libre. Ce qui suppose que les équipes rédactionnelles puissent reconquérir ce qui devrait aller de soi dans une démocratie soucieuse de la pluralité des sources et des points de vue pour rendre compte de ce qui advient, à savoir le pouvoir de définir les règles de leur gouvernement sans que personne ne puisse interférer sur la ligne rédactionnelle, le choix des sujets et le contenu des articles. Là encore, les principes de propriété sociale, droit d'usage, autogouvernement sont susceptibles d'apporter des briques pour construire un système social et politique reposant sur l'autonomie. Comme on peut l'apercevoir, ces principes et ces pratiques convergent vers une tâche similaire, qui est un combat pour la reconnaissance de l'égale dignité des êtres humains, en tant qu'ils existent et qu'ils partagent un monde commun sous la perspective de la co-responsabilité. L'intérêt des situations de crise est de faire remonter à la surface des réflexions, des travaux de recherche menés parfois de longue date, en sourdine, confinés dans la sphère académique, ou parfois avec une ouverture en direction de certaines sphères sociales actives mais marginales, et donc demeurant largement ignorés, ou dès lors qu'ils sont publiquement énoncés, perçus comme utopiques par le reste de la population. La crise qui perdure et apparaît peu à peu possiblement comme un état permanent dont le système en place se satisfait d'une certaine manière. Pendant la crise, les affaires continuent, conduit d'abord à attendre, puis à rechercher des solutions auprès des responsables politiques, des décideurs en matière économique, tous érigés en sauveurs de l'emploi. Le constat que le remède ne fonctionne pas ouvre une attention à tout un éventail de pensées iconoclastes fondées sur une critique des catégories élémentaires, économie, libéralisme, charge sociale, emploi, travail, liberté, etc., libérant des acceptions théoriques et pratiques de ces mêmes termes que la vision du monde organisé qui domine et se confond avec le monde tel qu'il est et comme il va, tient nécessairement à distance, faute de rentrer dans son cadre institué. La conclusion qui ressort de cela est que les tenants de la politique administrée, sous la forme que nous connaissons, où les décisions qui engagent la population sont prises par une poignée de représentants dont on peine à se reconnaître dans les choix qu'ils font en notre nom et surtout à notre place, constituent ensemble une classe dont les membres sont liés par de nombreux intérêts croisés. Ce qui ne fait peut-être pas de cette classe le meilleur interlocuteur et intermédiaire pour faire entendre et passer dans les mœurs une intelligence et des usages nouveaux de concepts dont la manière dont ils sont compris et employés joue un rôle fondamental dans la possibilité de déplacer les lignes dans la division convenue entre le souhaitable et le réalisable, le réel et l'imaginaire, le concevable et ce qui ne l'est pas. L'objectif de cette séance est de s'efforcer de rapprocher l'univers de ceux qui luttent au quotidien contre ce qu'ils considèrent, voire documentent, comme étant des excès de ce monde, sur ceux qui y vivent, et s'efforcent de le modeler différemment pour le rendre plus juste et plus solidaire de celui des personnes qui thématisent et problématisent conceptuellement et théoriquement l'expérience de tout un chacun, qu'ils partagent aussi, afin de concourir à éclairer la route et à repérer les obstacles divers et nombreux, externes autant qu'internes, qui se dresse devant le processus de transformation politique et sociale radicale de ce qui est. S'appuyer sur les deux piliers de la réflexion et de l'action politique que sont le salaire à vie et le commun, et tout ce qui va logiquement avec en tant qu'outil d'émancipation matérielle et politique, est un moyen de modifier radicalement l'imaginaire politique dans lequel nos sociétés sont tramées. L'adoption de cet outil de réflexion et d'action permet de faire apparaître de nouvelles perspectives et de nouvelles forces sociales légitimes. En contrepartie, il offre la possibilité de démonétiser les instances de pouvoir officielles, étatiques, représentatives actuelles, en les privant du recours aux institutions qui en règlent le fonctionnement et la légitimité formelle, comme référence ultime devant laquelle tout autre imaginaire, toute autre volonté organisée de faire société se trouve naturellement discréditée et parfois même interdite d'exister par ce même pouvoir constitué, y compris par la violence, comme le recours aux forces de l'ordre à l'encontre d'initiatives citoyennes démocratiques. Or, par-delà la résistance à opposer un ordre économique synonyme d'horreur pour beaucoup, il s'agit précisément de donner à nos sociétés la possibilité d'inventer de nouvelles voies, de s'inventer elles-mêmes, d'exister, de s'organiser, de se coordonner, de se remettre en cause et pour ce faire de revoir la place accordée à l'institution de la représentation en général et notamment de retirer à celle-ci le pouvoir de décider sans que les choix ainsi arrêtés puissent être légitimement contestés et amendés par ceux-là même que les membres de ces institutions sont censés représenter. Cette asymétrie passée dans les mœurs, et comme le pendant naturel de la démocratie représentative, permet notamment de faire fonctionner une société en faisant travailler toujours davantage la majorité de la population dans une perspective et avec des effets, dégradation des conditions de travail, atteinte grave à l'environnement, violences sociales diverses, toujours plus éloignées de l'intérêt général, qui est un commun dont, a priori, seule la démocratie, à travers la délibération publique qui met en scène le pluralisme de perspective d'une société, peut prendre soin. Quitter l'imaginaire politique en vigueur, c'est se déprendre de la manière dont les institutions créées sous son égide encadrent le champ du possible. C'est du même coup ne plus être sujet de cet imaginaire institué et de son monde. C'est voir ces institutions, structures et fonctions comme relevant d'un passé révolu, une curiosité historique qui ne nous concerne plus. Voir les choses sous ce jour, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la politique, au sens le plus pratique, celui de l'activité instituante d'un nouvel art de se gouverner. C'est dans cette perspective que cette séance du séminaire se tient et qu'il se veut une illustration pratique, située de cette articulation qu'il convient plus que jamais de bâtir entre citoyens actifs et praticiens des sciences sociales, unissant leurs efforts maïeutiques pour accoucher d'un monde nouveau, étant entendu par ailleurs que l'appartenance à l'une de ces catégories n'est pas exclusive de l'autre et logiquement même y conduit. Les sciences sociales critiques sont censées produire un savoir auto-réflexif sur les conditions mêmes d'autoproduction de la société. Lequel savoir qui émane de l'expérience acquise à partir de terrains variés, qui sont autant de sites de vie, de travail, de conflits, etc., n'a pas forcément vocation à dormir dans des livres, ni à établir un lien purement informationnel entre l'expérience vécue sur le terrain par ses protagonistes et le public éloigné au moyen du compte-rendu de recherche, mais à se transformer en outil qui puisse permettre à l'expérience de transformation sociale radicale, si besoin est, sinon de se constituer, les acteurs sociaux, leur capacité de jugement et d'action, merci pour eux, mais du moins se connaître elles-mêmes et se faisant de se renforcer, de se légitimer dans sa démarche à la fois critique de l'existant et instituante du nouveau. Le tout dans un mouvement d'auto-organisation de la citoyenneté politique à travers le développement de modes de réalisation expérimentaux de la démocratie directe dont elle favorisera l'émergence. Assurer l'autonomie financière, salaire à vie et organisationnelle commun des citoyens fait partie des conditions élémentaires de ce processus. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni ces thèmes ce soir. Alors, je vais donc passer en fait la parole tout d'abord à Bernard Friot, qui parlera, évoquera une conception émancipatrice du salaire dans son rapport à l'emploi, puis Mathieu Grégoire sur ce que peut nous enseigner le statut des intermittents, appréhendé dans une perspective d'autonomie du et dans le travail. Et ensuite, eh bien, Pierre Dardot sur le commun et Christian Laval. Et si le journaliste, Debout vient, bien sûr, il aura la parole avec toutes mes excuses pour cette présentation fleuve. Voilà. Bernard Friot.